Chapitre 13e, Reine d'Ivoire. Le lendemain matin, le café pris du Sonville distribuait aux nouvelles venues des fusils américains et des revolvers. Puis il fusionna les deux groupes, mêlant les anciennes aux nouvelles. Il constitua 8 escouades à 10 Amazones, ayant chaque escouade un caporal en plus de 10 soldats, et plus encore un sergent pour 2 escouades. Enfin, un adjudant et 3 officiers. Les anciens grades des Amazones constituaient divers degrés hiérarchiques correspondant exactement à ceux-là. Les Amazonanières, qui savaient manier le fusil américain, se firent instructeurs des autres. Bientôt, on entendit tirer à la cible de tous côtés sur les arbres. Quiconque a un peu d'intelligence apprend quelques minutes à charger un tir rapide et à se servir de la hausse que l'on emploie dans le fusil américain qu'à 600 mètres. Aussi, au moment où la trompe sonna le déjeuner, les Amazones étaient-elles familiarisées avec l'arme? Cependant, d'autres Amazones, qui brûlaient du désir de s'engager, se présentèrent et Dussonville les accepta pour en faire des mitrailleuses pour ses maximes et il les dressa lui-même. 8 jours se passèrent en exercice et les Amazones apprirent facilement à marcher en ligne sur un seul rang, à se déployer en tirailleurs, à se rallier par 4 et par demi-section, à former le carré et à faire des feux de salve et des feux de la volonté. Content des résultats obtenus, le capitaine accorda 2 jours de repos, samedi et dimanche. « Nous irons à la chasse demain ?» dit Akidata à Mademoiselle de Pelwer. La joie de la jeune fille fut grande. On partit donc et l'on se mit en quête d'un troupeau. Bientôt l'on trouva une piste et les deux Taki dirent « Il y a 12 ou 13 éléphants, plus des éléphantaux. Ils ont passé ici il y a 1 heure à peine. Attends le pas !» dit Mademoiselle de Pelwer impatiente. « Non, marchons posément. » Au contraire, pour ne pas nous essouffler. À 7 heures, le pâturage de la nuit est fait et les éléphants sont couchés et digèrent. Une demi-heure après, Takidata dit à la jeune fille « Je sens le troupeau ». Le vent apportait en effet des émanations. On avança encore un peu, et à 5 mètres environ, on vit non pas 13, mais 14 éléphants couchés. Mademoiselle de Pelwer évalua la distance et dit tout bas « Pas besoin de hausse. Ils sont à nous. 14, c'est beaucoup. » dit Akinadou. « Masquons-nous dans les hautes herbes !» dit Akidata. « Que nos têtes seules dépassent. Les éléphants ont mauvaise vue et ne sauront pas d'où viennent les coups. » Elles mirent genoux terre et furent couvertes par les brousses. Mais elles voyaient néanmoins le troupeau. « Nous y sommes ?» demanda Mademoiselle de Pelwer. « Oui. » « Oui. » Sur ces 2 réponses, le feu commença et 3, 4, 6, 9 éléphants tombèrent foudroyés par les balles explosibles. Le reste s'enfuyait. Mais Mademoiselle de Pelwer se leva, et avec une sûreté merveilleuse, elle tua encore 2 animaux. Puis vivement, elle leva sa housse, visa, et un éléphant tomba. Puis elle poussa le curseur et revisa à 800 mètres. L'avant-dernier éléphant roula à terre. Le dernier ne fit pas plus de 100 mètres et roula sur le sol. Les 2 taquis étaient saisis de stupeur, mais leur enthousiasme éclata bientôt. Elles embrassèrent la jeune fille et l'entraînèrent vivement au camp. Takidata sonna de sa trompe et cria aux armes. Les Amazones se rangèrent en bataille et Takidata leur fit le récit de ce qui s'était passé. Puis il s'écria « Celle-ci est reine de l'Ivoire !»« Oui, oui !» crièrent les Amazones. « Elle est reine de l'Ivoire, il sera notre Cabacérès Merza !» Cela voulait dire « notre princesse ». Ce titre était toujours réservé au temps de Béanzin pour une princesse de sang royal. Aussitôt, les 2 Taki emmenèrent Mademoiselle de Pelwer l'habillèrent en Amazone et elle lui improvisèrent une sorte de diadème autour de sa coiffure d'Ahoméenne, après quoi on la présenta à la troupe qui poussait des acclamations. Dussonville laissait faire. Ce triomphe de Mademoiselle de Pelwer ne pouvait que servir ses intérêts et assurer le zèle et la fidélité des Amazones.